BR Métal, avec 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Olbeau-Mistassini. On va parler du tournoi Bantam qui débute lundi dans le cadre de la chronique du hockey mineur de Olbeau-Mistassini, présenté par BR Métal. On va faire le tour un peu avec David Lamontagne. Salut David! Salut Danny! David, effectivement, mais avant de parler du tournoi Bantam, je veux te parler des Saguenay qui étaient ici dans la tournée. Comment ça a été? Ça a bien été? Très bien été. Je sais que les jeunes étaient bien contents. Tout le monde était bien satisfait de la visite des Saguenay. OK. Ça favorise le sentiment d'appartenance à l'équipe. Puis ça a été grandement apprécié des jeunes. OK, OK. Ben, puis pour les Saguenay, ben, c'est winner encore. Ça va avec leur mentalité de se rapprocher de la région. Je sais qu'ils vont jouer point qu'ici à Delbeau, là. Ils vont venir un peu partout, semble-t-il. Oui, c'était supposé d'être dans chaque hockey mineur là, partout au lac. Là. OK, OK. Puis, au Saguenay, sûrement. Là. Mais oui, c'était supposé d'être fait dans chaque ville. Comment vous étiez? Ben, il y avait pour nous autres, là, il y avait si on faisait l'activité avec le novice, il y avait entre 40-50 joueurs sur la danse avec les joueurs des Saguenay. Okay. Pour ce qui est d'après, là, je n'ai pas le nombre exact, là, mais c'était pas mal. Il y avait beaucoup de jeunes sur l'Atlas. OK, OK. Donc, on va suivre ça de très, très près, évidemment. Tournoi Bantam, je vous dis tout de suite, on aura des reportages tous les jours avec en principe avec notre ami Pierre-Luc Bénard, oui. Donc, il y a un tournoi qui va avoir lieu bientôt. Oui, ça commence mercredi le 15, mercredi prochain. Oui, ça commence mercredi. Pour les équipes locales, pour les Loups Bantam B, commence mercredi soir à 7h15. OK. Et pour les Bantam 2B, les Rapides, commence le lendemain jeudi à 19h15. Ça surveiller. OK. Je pense que tu me demandais la semaine passée combien il y avait d'équipes. Je pense qu'il y a 22 équipes. Oui, 22 équipes. C'est quand même c'est plus beau que les autres années. C'est quand même bon. Je pense que ça ressemble pas mal d'une année à l'autre. C'est quand même bon. OK, OK. Déjà en ayant les trois catégories, c'est... Ben oui. Et les Rapides vont jouer vendredi prochain, j'imagine? Oui, le vendredi, c'est les deux suivent. Là, le Bantam B et le Bantam B jouent après l'autre. OK. Le vendredi soir. Là. OK. Donc on invite les gens à aller sur le Facebook du tournoi Bantam pour avoir plus de renseignements là, pour l'horaire puis tout là, c'est assez complet puis c'est assez assez clair. L'horaire des parties. Vous avez baissé vos prix semble-t-il le hockey mineur pour attirer des équipes. Je fais des chroniques avec le Marco Spa puis Delbeau vient et il dit on va à Delbeau cette année pour le midget. Donc vous avez baissé vos prix? Ça dépend des tournois. Ça dépend des fois pour inviter une équipe. Pour mettons qu'il manque une équipe, là, ils font souvent ça. Là. Okay. Mais pour le tournoi midget, t'es pas au courant. Non, tu pourrais plus demander. Je pense que c'est Éric Delisle, le président. Okay. Mais ça se fait. Ça se fait pour attirer les équipes. Ça se fait souvent, oui. OK. Ben David, on se reparle la semaine prochaine? Oui, pas de problème. C'est la chronique du hockey mineur avec David Lamontagne.